de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Autour de vous dans les studios de RGM. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, comment ça va ? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Stéphanie, j'ai bientôt 40 ans malheureusement. Je suis maman de deux enfants et je suis assez récemment arrivée dans les Vosges où j'ai ouvert mon entreprise, mon institut de beauté qui est dédié à tout le monde en fait, vraiment une clientèle féminine. Est-ce que vous pouvez nous parler de Escale Beauté ? C'est mon petit bébé que j'ai ouvert au mois de janvier l'année dernière où je commencer vraiment à voir ce que pouvait apporter l'esthétique aux femmes. Je préparais beaucoup leurs ongles, leur regard avec des rehaussements de cils et j'ai eu mon CAP esthétique au mois de juin. J'ai eu aussi la chance d'avoir comme maître de stage Laetitia de l'Évasion d'Essence à qui je fais un gros coucou et un grand merci de tout ce qu'elle m'a apporté. Et depuis, je me consacre à la mise en beauté de mes clientes sous diverses formes. Et vous avez fait où vos études pour devenir esthéticienne à Nancy ? Alors comme mon conjoint était militaire, on savait qu'il serait muté. On ne savait pas où exactement en France, on avait plusieurs choix. Donc j'avais choisi une formation à distance. Et également, comme j'étais enceinte, c'était le plus simple pour moi. Et j'ai commencé mes stages au mois de février, donc ici à Saint-Étienne. Du coup, pourquoi ce nom Escale Beauté ? Ben pour voyager. Après tout, autant apporter un petit peu de soleil, changer d'air, sans vraiment changer de région. Je suis vraiment une grande fan de la fleur de frangipanier. Le monoeil, toutes ces odeurs-là, faut voyager. Donc on fait une petite escale et on se met en beauté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise ? Parce qu'en plus, comme vous dites que ça fait pas longtemps que vous êtes diplômée, c'est pas facile de se lancer comme ça dans l'inconnu. Bah, mes anciens collègues n'ont pas voulu me suivre de quand j'étais ambulancière et je ne me voyais pas travailler avec quelqu'un d'autre et je voulais vraiment faire quelque chose qui m'appartenait à moi sans rendre de compte et être fière de mon travail, m'épanouir. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous retourner vers l'esthétisme ? Ça faisait déjà très très longtemps que je faisais les ongles sur moi, puis mes copines m'ont demandé de leur faire, donc j'ai passé mon premier certificat comme ça. Et puis l'esthétique, c'est devenu comme une suite logique. J'ai eu également ma formatrice massage que j'ai rencontrée par hasard pour un remplacement d'une journée qui avait un passé à peu près similaire au mien. Et je travaillais dans son institut où je faisais que les ongles et j'ai commencé à aimer ça, voir les clientes aller, venir, être fière d'elles, de changer leur apparence. Je suis tombée accro à ce bien-être que je pouvais apporter en plus, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'esthéticienne ? Le contact avec mes clientes et la confiance qu'elles m'accordent parce que elles viennent, des fois elles savent pas trop ce qu'elles veulent, c'est à moi de les conseiller, de faire au mieux et après surtout quand elles sont super heureuses et qu'elles me remercient 10 fois quoi. Et du coup le fait des fois de travailler avec les gens, est-ce qu'ils se confient à vous ? Oui, beaucoup parce qu'on est parfois en tête à tête pendant 1 à 2 heures. On peut pas rester 1 à 2 heures sans parler, donc on questionne un petit peu. Là, vous travaillez où ? Vous avez des enfants ? Et puis voilà. Et parfois, ce sont des clientes qui ont besoin aussi de parler et elles savent qu'elles peuvent être écoutées avec moi. On disait hors antenne que certaines clientes aimaient bien savoir ce que vous faites, par exemple celles que vous maquillez, etc. Oui, parce que elle ne se voit pas sur ce moment-là. Parfois, notamment quand je travaille au niveau des yeux, des rehaussements ou des extensions de cils, elles sont vraiment dans le noir. Elles savent que je les touche sans vraiment comprendre ce qui leur arrive. Et je leur explique ce que je suis en train de faire, pourquoi. Et puis, des fois, on rentre un petit peu dans le détail, des cils, des yeux, tout ça. Et ça les rassure beaucoup et elles voient quand même qu'il y a du professionnalisme derrière. Est-ce que vous travaillez seule ou en équipe ? Je suis toute seule. Voilà, c'était ma décision. Pourquoi pas un jour avoir une associée avec moi qui fera d'autres choses que je ne fais pas. Mais pour le moment, c'est moi toute seule. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de prendre des stagiaires, par exemple, des scolaires en stage d'observation ? en stage d'observation, pourquoi pas. De toute façon, j'ai aussi à cœur de transmettre. C'est ce que déjà je faisais avant dans mon ancien métier. J'avais beaucoup de stagiaires. Et observation, oui, et pourquoi pas pratiquer sur moi, parce qu'on est quand même la meilleure personne pour donner l'exemple. Mais oui, que pour l'observation, c'est récent, mon diplôme, donc je n'ai pas la prétention d'apprendre tout à quelqu'un. Et du coup, vous êtes toujours en train d'apprendre vous-même, donc c'est pas facile de transmettre, c'est ça? Alors oui, je suis toujours en train d'apprendre. J'ai 1 milliard de projets pour cette année, pour les années suivantes, et puis toujours être au niveau pour ce que je fais déjà, ce qui peut parfois paraître acquis. On aime bien se perfectionner. Et c'est quoi le profil de votre clientèle, la tranche d'âge à peu près? J'ai une tranche d'âge assez large quand même, puisque on va dire que j'attire les jeunes parce que comme je suis à mon domicile, ça me permet d'avoir entre guillemets des bas tarifs parce que je veux que l'esthétique soit ouverte à tout le monde, que ça soit pas réservé à une élite. Donc c'est vrai que j'ai des clientes assez jeunes qui ont une trentaine d'années et j'ai aussi des clientes un peu plus âgées, plus matures, encore actives ou parfois même retraitées. Est-ce que vous avez une clientèle fidèle? Est-ce qu'il y a souvent les mêmes personnes qui viennent vous revoir ou pas? J'ai quelques clientes fidèles avec qui on est carrément passé au tutoiement parce qu'on se connaît, on rigole ensemble. Ça fait presque 1 an qu'elles viennent assez régulièrement, donc je vais pas dire qu'on fait partie de la vie de l'une de l'autre, mais oui, j'ai mes petites clientes, mes adorables beautés, comme je les appelle. Est-ce que vous recevez des hommes ? J'ai une clientèle uniquement féminine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre salon? C'est mon petit endroit, c'est intimiste, j'aime bien renouveler, faire appel au sens vraiment. Je vais allumer une petite bougie, un jour ça va être à la fleur d'oranger, la fois d'après ça va être parfum coco, monoeil, ben voilà, pour voyager, c'est un endroit où on se sent à l'aise, où il fait chaud, où on passe un bon moment. Est-ce que vous mettez des petites musiques de méditation en même temps? J'ai des musiques de méditation, oui. Alors, c'est des playlists qui sont déjà enregistrées, donc parfois, c'est des sons assez étranges. Je me dédouane de ce qu'on entend dans mon téléphone. Quand est-ce qu'on peut y aller à votre salon? Est-ce qu'il y a des horaires précis? Alors, je suis ouverte du lundi au samedi, lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 19h. Mardi et vendredi de 9h à 15h45 et le samedi de 9h à 15h. Et il se trouve où ce salon? Je suis à Route de Xénois au 75, donc dans la continuité de la salle multi-accueil, voilà. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir le groupe Maneskin qui a participé à l'Eurovision il y a 2 ans je crois, et nous nous retrouverons juste après. À tout de suite sur Radio Gamozo. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. part of me, a part of me that will never be mine, so be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine, it's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. Nous sommes de retour avec Stéphanie sur les ondes de RGM. Est-ce que vous pouvez nous parler d'esthétisme, Stéphanie ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'être esthéticienne ? C'est avant tout une experte de la peau, parce que c'est la façon qu'a notre corps aussi de faire un bouclier pour nous protéger. Et prendre soin de sa peau, c'est la connaître, c'est pouvoir différencier les états, les types. Et c'est vraiment l'expertise, la spécialité des esthéticiennes avant tout. Quels sont les différents soins que vous pratiquez ? Pour les esthéticiennes ou moi ? Bah vous, du coup. Je pratique des soins du visage, vraiment adaptés à notre type de peau, puisqu'on n'aura pas tous la même peau, on ne va pas utiliser les mêmes produits, les manœuvres sur le visage ne seront pas les mêmes. Il y a également les appareils, les différentes technologies qui évoluent et qui apportent des résultats assez phénoménaux. Moi, je suis vraiment, pour l'instant, vraiment dans le manuel, le contact avec ma cliente, les soins du corps aussi, tout ce qui est les gommages du dos. C'est une zone à laquelle on n'a pas forcément accès facilement, donc moi je propose un gommage. Et également depuis le début de l'année, le drainage minceur qui va vous permettre de détoxifier votre corps et remettre en route la circulation lymphatique afin de perdre un petit peu d'eau, donc de drainer. Ça se passe comment ça ? Le drainage, c'est une technique vraiment qui est éprouvée et qui marche avec des points de pression sur tout le corps pour stimuler les cellules. Et en fait, ça va vous drainer, détoxifier, le foie va vraiment apprécier et ça a même un impact sur la peau, tout ce qui est peau d'orange, cellulite, encure, vraiment c'est un massage, même pour les jambes lourdes, il est efficace. D'accord. Et c'est quoi le gommage ? Est-ce que c'est quelque chose pour retirer les points noirs, etc. ou pas ? Le gommage, il va avant tout retirer les peaux mortes. Donc on a toujours, les cellules vont et viennent, elles vivent, elles meurent, et quand elles meurent, elles restent parfois sur la peau, et ça va permettre de nettoyer la peau en profondeur. On a différents types de gommages, ça va être ce qu'on appelle des gommages chimiques à base d'enzymes de fruits, notamment pour les peaux sensibles. On va avoir les petits gommages à grains, alors faut pas se tromper, les gommages à grains pour le visage et pour le corps. On a des gommages qui sont un peu pelucheux, on a tout un tas de choses. On a également le savon noir qui est ancestral et qui n'a plus de réputation à se faire, il est connu mondialement. Alors moi, je mets une crème, mais même en mettant une crème, j'ai quand même la peau sèche. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrange ? Alors, l'idéal, c'est aussi un masque hydratant. Donc, on va faire tous les jours. En fait, il faut démaquiller votre peau, même si vous ne vous maquillez pas. Le démaquillage, c'est un nettoyage de peau. Vous pouvez faire votre petit gommage une fois par semaine, pas plus le gommage, parce que ça peut être trop agressif, et faire un masque hydratant et adapter votre crème à votre peau, donc une crème pour les peaux sèches. Et ça se met comment, un masque hydratant ? Est-ce que c'est une sorte de crème qu'on étale autour du visage ou est-ce que c'est un masque déjà pris en plastique ? C'est les deux, en fait. C'est des masques qu'on va trouver en petits sachets unidose, qu'on va appliquer sur son visage. Donc il faut quand même rester allongé parce que ça tient pas vraiment à cause de la gravité. Et le masque crème que vous allez appliquer en couche assez épaisse quand même, parce que votre peau, si elle a besoin, elle va boire ce masque, et on va voir à certains endroits où votre peau avait besoin, tout ce qui est front, joue, menton, c'est vraiment, on voit la peau qui a bu, et c'est radical, ça repulpe la peau, ça a vraiment des vertus plus que l'hydratation aussi. Un coup, j'ai essayé de l'argile et c'est vrai que ça rend la peau toute douce après. Ça rend la peau toute douce et l'argile est très bonne pour notamment les peaux grasses. Elle va absorber le sébum et elle va, certaines argiles, notamment suivant les fournisseurs, elles peuvent avoir un petit peu d'eucalyptus ou de menthe pour purifier aussi la peau parce que les peaux grasses ont tendance à vite s'infecter et à faire des boutons. Et les masques hydratants, ça dure combien de temps à peu près? C'est comme une sorte de traitement finalement. Combien de temps il faudra en mettre en fait? Alors quand vous faites un soin visage, bah, c'est une fois par semaine un soin à la maison, une fois par mois en institut. Vous le laissez poser 10 à 20 minutes et vous êtes reparti pour de nouvelles aventures. Quels soins est-ce qu'il est possible de faire si on a de l'acné par exemple? Alors déjà c'est vraiment un entretien quotidien en douceur, parce que la peau est déjà extrêmement fragilisée, donc on va pas utiliser de lotion trop agressive. Moi je suis de la génération où quand on avait de l'acné pendant la puberté, c'était eau précieuse, et eau précieuse était extrêmement agressive pour la peau, et ça réglait pas du tout le problème, donc il faut vraiment se tourner vers un dermatologue ou une esthéticienne, une cornéothérapeute. C'est vraiment, voilà, cornéo c'est la peau, thérapeute c'est le soin, des personnes vraiment spécialisées, mais il faut vraiment y aller en douceur avec sa peau, parce qu'à cette période-là, ça peut vraiment la détraquer et l'abîmer de façon irréversible. Au précieux, c'était pas ce qu'on mettait sur le visage et qui cramait les boutons un peu? Ça cramait les boutons et le reste. Quel genre de produits est-ce que vous utilisez dans votre institut? Est-ce qu'ils sont naturels? Alors, moi, j'utilise des produits bio, fabriqués en France. Alors, j'alterne pour le moment avec deux marques. Donc, j'utilise les produits les plus bio possibles chez Peggy Sage. Et tout ce qui est soins visage et huile pour le corps, c'est Oxalia. C'était avant dans la région Franche-Comté, maintenant ils sont à Montpellier. C'est des produits bio, c'est français. Et quand je dis que je teste mes produits et que j'ai une bonne relation avec mes clientes, un jour on a toutes les deux goûté un gommage. La commerciale m'avait dit que c'était un gommage au sucre. Alors effectivement, j'ai goûté le gommage corps, il était au sucre. L'après-midi, ma cliente vient, je lui fais découvrir. Je lui dis, bah viens, moi je l'ai fait tout à l'heure, c'est un gommage au sucre, on va goûter le gommage corps. Et en fait, effectivement, le gommage visage est au sucre et le gommage corps, on a eu la grande surprise de découvrir qu'il était au sel. Ouh. Mais comme c'est des produits bio qu'on applique sur le corps, bah, je vois pas pourquoi on pourrait pas y goûter. Donc j'ai testé jusqu'au bout. On a eu la bonne surprise et on a bien rigolé, on s'en rappelle encore. Ça doit brûler un petit peu le sel, non? Sur la langue, c'était quelque chose. Hein. C'est comme du gros sel, hein, tout simplement. Mais ça nous a surpris parce qu'on s'attendait à avoir du sucre, en fait. J'ai vu que vous aviez amené quelques petits échantillons et vous aviez notamment du monoeil. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour la peau? Le monoeil, c'est avant tout, moi, c'est le côté, le parfum du monoeil. C'est les vacances, c'est la plage, c'est le soleil. C'est envoûtant, je m'appelle Escalbeauté, donc vraiment, moi, je fais voyager mes clientes. Et le monoeil, la fleur de frangipanier, c'est vraiment ma fleur préférée. Alors justement, vous parlez de la plage, mais est-ce que l'huile de monoeil, c'est pas ce qui nous fait bronzer? Ça fait bronzer, mais c'est quand même assez dangereux si vous prenez uniquement de l'huile, parce qu'en fait, l'huile ne va pas du tout vous protéger contre les indices UVA et UVB qui vont plus tard provoquer des cancers. Ah oui, ça on le dit pas assez, ça. Malheureusement, on a beaucoup de soucis et après, c'était aussi à une époque un manque d'informations. Quel genre d'épilation est-ce que vous pratiquez? Alors moi, j'utilise l'épilation à la cire. J'utilise la marque Mamie Réglisse, c'est la cire des douillettes, parce qu'en fait, ils ont vraiment travaillé sur le côté douloureux de l'épilation. C'est une cire sans colophane, et la colophane, en fait, c'est la résine qui va adhérer à la peau, et quand on va tirer la cire, eh ben, c'est là que ça va faire mal. Et j'ai également aussi fait l'épilation au fil. Donc l'épilation au fil, c'est ancestral aussi, c'est d'origine du Moyen-Orient, notamment pour les petites zones. Et mes clientes, elles aiment bien aussi parce que ça dure un petit peu plus longtemps que l'épilation à la cire. Ça fait un petit peu plus mal quand même parce qu'on sent chaque poil quitter son bulbe. Donc la bande est vraiment plus douloureuse que si vous appliquez vous-même votre produit finalement. Ça dépend de la technique utilisée, ça dépend de la sensibilité de la cliente aussi et des produits, mais ça fait toujours un petit peu mal. Mais c'est vrai que moi j'ai vu la différence avec la cire que j'avais avant. Régulièrement, je m'épile comme tout le monde, hein. Et quand je dis à mes clientes, bah, vous seriez arrivées 5 minutes plus tôt, j'avais encore la bande de cire sur le sourcil, et elles sont surprises de voir que je suis même pas rouge, en fait. Donc, bah voilà, c'est une bonne façon pour elles de aussi de me faire confiance, parce qu'elles savent encore une fois que je teste sur moi. Et du coup, justement, comment est-ce que ça provoque des rougeurs? Qu'est-ce qui fait qu'on a des rougeurs? Est-ce que c'est la peau qui est trop sensible? Ça peut être une sensibilité de la peau, ça peut être la cire aussi qui est trop chaude. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut pas, c'est quand même chauffé entre 40 et 65, 70 degrés suivant les cires. Sur le visage, bah, c'est vite, ça laisse vite des marques. La façon dont la bande de cire est retirée, parce que, bah, ça s'apprend, ça. On ne devient pas esthéticienne du jour au lendemain. Et puis aussi, bah, bien sûr, la sensibilité de la cliente et la zone sur laquelle on applique la cire. Même si on a la cire la plus douce du monde, quand vous faites la lèvre supérieure, on a tous envie de pleurer, tout simplement. Le nez aussi, ça doit faire un peu mal. C'est pas une des prestations que je fais le plus souvent, mais c'est pas si douloureux que ça, en fait. C'est impressionnant, mais ça va. En fait, on a mal sur le moment, ça dure 2 secondes, mais on a surtout beaucoup d'appréhension, en fait. Et quand vous retirez la bande de cire, est-ce que vous retirez d'un coup sec? Parce qu'on dit toujours, les pansements, c'est un mal, il faut retirer d'un coup sec. Est-ce que ça marche aussi pour les bandes de cire, ça, ou il faut y aller tout doucement? Il faut y aller, malheureusement, d'un coup sec. Comme ça, on a tous les poils qui partent d'un coup et pas un après l'autre. Et c'est là que ça fait vraiment mal aussi. Et il y a aussi le mouvement qui est important. On ne va pas tirer dans n'importe quel sens cette fameuse bande de cire. Est-ce que vous utilisez, par exemple, une crème aussi pour réhydrater la peau? Parce que du coup, là, ça la sèche, non, quand vous enlevez les poils? Ça ne sèche pas, non. C'est normalement, on conseille toujours à la cliente, la veille d'une épilation, suivant les zones, de faire un gommage pour retirer donc les fameuses peaux mortes. Ainsi, la cire adhère mieux à ce qu'elle doit retirer et non à ses peaux mortes. Et moi, j'utilise, et ce que tout le monde fait, des huiles ou des gels hydratants après épilation. Ça apaise également. Est-ce que certains crèmes pour le corps sont grasses? Tout dépend de notre peau, je pense. Mais ça va dépendre, oui, de votre peau. Quand on voit les gens qui disent « j'ai une peau de serpent », bah, c'est toujours pareil. Il faut entretenir, hein. On va déjà retirer le superflu. Encore une fois, on fait un gommage et après, on met sa crème quotidiennement. Et est-ce que les repousses de poils sont aussi moins rapides par rapport aux bandes ou c'est la même chose? C'est la même chose puisque c'est toujours une technique d'épilation où on va retirer le bulbe. Là où la pousse du poil va être plus rapide et elle va s'étendre, le poil va être de plus en plus épais, plus foncé, c'est quand on va le raser. Tandis que là, à chaque fois, on va retirer le bulbe et à force de faire, le bulbe il sera de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de poils, mais ça prend quand même quelques années. Oui, parce que quand on rase, la peau, elle est un peu bizarre, c'est un peu rugueux. Le poil a tendance à s'épaissir aussi. Le poil, il va s'épaissir parce qu'il se dit, on m'a coupé la tête, moi je vais me défendre, je vais pousser de plus en plus gros. Et forcément, c'est aussi c'est agressif aussi pour la peau. Puisqu'on passe quand même une lame métallique sur la surface de la peau et elle aime pas beaucoup. Alors j'ai vu que vous utilisiez aussi du henné via votre page Facebook, c'est quoi? Le henné, c'est une teinture, encore une fois, ancestrale. C'est plus le rouge comme on a connu à une période où on avait toutes les cheveux orangés ou rouges. Il y a plusieurs teintes du henné, il y a vraiment une gamme complète. Et c'est ce que j'utilise depuis très récemment pour les sourcils. Ça va teindre le poil durant 6 semaines, parce que c'est la durée de vie d'un sourcil ou d'un cil. Et ça va également teindre la peau pendant une bonne quinzaine de jours. Pour les gens qui ont des petits trous, ça va leur éviter pendant 15 jours de mettre du crayon ou d'avoir une repousse parce qu'ils ont eu un petit souci et qu'à cet endroit-là, il manque un ou deux poils et que ça se voit dans le sourcil. Est-ce qu'on peut en mettre dans les cheveux ou pas? C'est peut-être plus sain que de faire une coloration pour le coup. Alors le henné, si vous en faites, c'est toujours le même problème et que vous vous ratez, votre coiffeur il pourra pas vous rattraper parce que le henné il va tellement imprégner le cheveu qu'on pourra pas refaire de teinture derrière. Mais c'est vraiment, oui, une teinture, je vais pas dire millénaire, mais pas loin. Est-ce que vous mettez ça uniquement sur les sourcils, vous, ou est-ce que vous l'utilisez autrement? Le henné, je le fais uniquement sur les sourcils. Est-ce que c'est dangereux pour la peau ou pas? On fait un test allergique 48 heures avant. Et ça reste combien de temps sur la peau? Le henné va rester une quinzaine de jours. Vous proposez également des faux ongles et vous êtes aussi prothésiste angulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Non, la prothésie ongulaire, c'est mes premiers amours. Il y a les ongles que vous allez venir en institut, on va vous les poser directement avec du gel, avec ou sans extension, ça dépend. Et je fais également ce qu'on appelle les press-on nails. Ce sont des capsules en acrylique que je reçois, elles sont vierges, elles sont transparentes. Et en fonction des commandes ou parfois quand je prépare des marchés, ou là en ce moment je prépare la collection printemps-été, ça va être en fonction de mes humeurs, des couleurs que j'ai. Et en fait, ces ongles-là, ils sont vraiment... C'est ce que je conseille, notamment pour les adolescentes, parce que le vernis semi-permanent et les ongles en gel, on peut pas les faire trop jeunes. Le vernis semi-permanent, c'est 16 ans, 16 ans et demi. Le gel, c'est 17 ans et demi. Quand des mamans m'appellent pour me dire « bah ma fille, elle a 13 ans, elle voudrait des ongles en gel », je lui dis « je suis désolée, non, je peux pas toucher à l'ongle de votre fille, parce que je suis aussi maman, je voudrais pas qu'on me le fasse ». Et je les oriente vers ces press-on nails, ça tient avec des... un petit peu comme du scotch double face qu'on applique sur l'ongle, on colle la capsule, on peut... j'ai certaines clientes qui les gardent 4 ou 5 jours, même si je leur dis toujours, l'idéal c'est pour une soirée, pour un événement... pour les fêtes de fin d'année, un mariage, tout ça. Et en fait, elles peuvent retirer l'ongle. Vraiment, ça n'abîmera pas du tout leur ongle naturel et elles peuvent les réutiliser. Et en tant que prothésiste ongulaire, il me semble que les personnes diabétiques et les femmes enceintes ne peuvent pas en mettre, je crois. Alors, c'est surtout que c'est le diabète et la grossesse, ça va influencer sur la nature de notre corps, sur les hormones et tout ça, et ça peut ne pas tenir. Donc en fait, on dit que c'est interdit parce que la cliente, elle va venir, elle va dépenser quand même, la première pose est quand même assez onéreuse, après l'entretien, c'est plus accessible. Mais si votre cliente, elle dépense 50 euros et puis que 3 jours après, tout est tombé, elle va être déçue. Alors voilà, il y a chez certaines personnes enceintes, ça va tenir, d'autres moins. Mais c'est vrai que les personnes qui ont du diabète ou qui ont des maladies un petit peu plus invasives, on leur déconseille fortement. Et est-ce que le vernis, par exemple, pour les personnes qui se rongent les ongles, il est vraiment efficace ou pas ? Le vernis amer, voilà, il est efficace pour tout. Il va déclencher un dégoût et en fait, on va arrêter de se rogner les ongles. Mais le geste, il sera toujours là, l'envie sera toujours là. J'ai beaucoup de clientes qui ont les ongles rongés, qui viennent avec pour se faire poser du gel, parce que le gel, il est extrêmement dur, et au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'elles n'y arrivent pas. Puis bon, il y a aussi l'aspect pécunier, elles veulent pas abîmer cet argent qu'elles ont au bout des doigts, donc elles font un petit peu attention, et parfois on arrive à avoir des vrais beaux ongles naturels. Et que ce soit des prothèses ou des faux ongles, est-ce qu'il y a des motifs dessus ? Par exemple, ou différentes couleurs. Est-ce que vous pouvez mélanger les couleurs ? Ah mais la prothésiste ongulaire, c'est une artiste. chaque pose est différente. Ça va être après un échange avec la cliente de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle veut pas. Nous aussi, en fonction de notre humeur, de notre passif, les formations qu'on a passées, notre savoir-faire, de ce qu'on a en stock. Je dois avoir en vernis semi-permanent 70 ou 80 couleurs. En gel de couleurs, je dois en être un peu plus d'une vingtaine. Et après, voilà, c'est aussi un échange pour que la cliente reparte satisfaite. Est-ce que pour certaines professions, on peut avoir des ongles plus ou moins longs que vous conseillez, par exemple, à votre cliente? Si une personne, par exemple, est femme de ménage, j'imagine qu'elle va pas avoir des ongles qui font 10 cm. Ça dépend, parce qu'il y a des fois des femmes de ménage qui ont des ongles naturels très longs. Elles ont toujours eu l'habitude de travailler avec ça. Moi, quand, par exemple, mes clientes qui ont des ongles rongés, elles me disent « je veux des grands ongles », je vais être obligée, moi, de les conseiller en leur disant « non ». C'est mon choix. Je leur explique, vous avez toujours eu des ongles très courts. Demain, vous vous retrouvez avec des ongles longs. Faut pas oublier qu'on a des gestes du quotidien. On se rend pas compte. On peut se mettre un ongle dans l'œil, ça fait super mal. On ferme la portière de la voiture parce qu'elle est humide, on se retourne l'ongle. On peut, si on choisit trop long sans s'y habituer, se blesser. Et voilà. Donc, on a vraiment un rôle de conseil aussi. Et ça tient combien de temps sur l'ongle naturel, une prothèse ? Alors, la prothèse... elle va, on dit en moyenne 3 semaines parce que l'ongle il va repousser. Et quand on construit un faux ongle, on est vraiment des architectes. Je vais pas dire qu'on a des plans, mais on a notre ongle, il est très bien. Et au fur et à mesure où il va avancer, il n'y aura plus la force ou la structure de se soutenir. Et c'est là qu'on peut se retourner un ongle, se le casser, se faire vraiment très mal. Parce que quand on s'arrache un ongle en plein milieu de notre plaque, donc là où c'est rose, c'est extrêmement douloureux et c'est long parce qu'on va pas reposer dessus en attendant que ça cicatrise. Donc on conseille un entretien toutes les 3 semaines pour réduire la longueur et refaire cette structure qui est importante pour la solidité et garantir que l'ongle y restera sain aussi. Du coup, est-ce que vous coupez l'ongle naturel en dessous ou pas? Parce que est-ce que je me demandais aussi, quand l'ongle naturel repousse, est-ce que ça repousse pas un petit peu la prothèse en même temps? Bien sûr, la prothèse, elle va avancer en même temps. C'est ce qui va inciter beaucoup de personnes à venir refaire leurs ongles, parce que si elles ont des ongles de couleur assez foncée, quand elles n'ont pas des couleurs naturelles, cette repousse, elle va se voir, ça va être flagrant, et elles vont pas forcément aimer, ça reste quand même disgracieux. L'ongle, il va pousser avec, si on a fait une extension ou pas, et c'est tout un cycle où la prothèse, elle vit comme une carapace au-dessus de l'ongle. J'ai vu que vous pratiquiez aussi des massages. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Je suis une grande fan du massage aux pierres chaudes. C'est des roches basaltiques, donc les pierres de volcan en fait. Donc elles sont vraiment toutes douces, hein, elles sont pas voilà, elles sont chauffées assez longtemps à l'avance et on les applique sur le corps, on masse avec. C'est moi quand mes clientes elles m'en parlent, les mots qui reviennent les plus souvent, c'est réconfortant. C'est vraiment ça, c'est une chaleur différente des autres. Et je fais également le modelage à la bougie sur le dos. Donc en fait, c'est une bougie qu'on fait chauffer et on récupère l'huile. On met pas le feu à la cliente, hein, bien sûr. Et je fais également le drainage minceur dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez des huiles essentielles pour le coup? Je n'utilise pas d'huiles essentielles parce que je pense que c'est une spécialité et qu'il faut être formé pour ça. Donc moi, si je suis pas formée, je fais pas, je m'aventure pas. Parce que ça peut faire des réactions allergiques. On peut avoir des réactions allergiques, c'est pareil, il y a des contre-indications, et j'ai pas forcément toutes les ficelles pour les utiliser. Donc voilà, s'il y en a dans mes produits, je vais avoir un questionnaire carabiné pour ma cliente pour pas prendre de risques pour elle. Est-ce que les massages, ça peut déstresser la personne, enlever toutes les tensions? C'est le but. C'est vraiment pour ça les massages bien-être qui vont soit être plus ou moins appuyés, comme les massages californiens, les massages suédois, les massages des sportifs. Il y a vraiment pour tout en fait, il y a un nombre incalculable de besoins et les massages sont là pour leur apporter ce qu'il faut. Alors j'ai vu aussi via votre page Facebook que vous posiez des fossiles. Comment ça se passe ça? C'est long, c'est très long. En fait, on va, moi je fais du cil à cil, donc c'est que je vais poser un cil sur vos cils. Donc il va falloir déterminer à peu près l'âge du cil parce qu'on a des bébés cils. Je vais pas poser une prothèse parce que c'est ça, hein, le fossile c'est une prothèse comme sur les ongles. Sur un bébé, il aura pas la force de porter le cil, donc ça va tomber, ça va l'abîmer. Et il faut savoir que sur les cils supérieurs, on a entre 90 et 120 cils par rangée et on a 3 rangées. Donc un cil par un cil, c'est très long et c'est extrêmement d'entretien pour la cliente. Faut pas qu'elle dorme sur le côté, faut pas qu'elle dorme la tête dans l'oreiller, faut pas se maquiller, faut bien les nettoyer. Il faut revenir assez régulièrement parce que quand je le pose sur un cil, je ne sais pas l'âge de ce cil, il peut très bien être en fin de vie et tomber demain. Bon, s'il y a 2-3 cils comme ça, il va falloir faire un remplissage encore une fois et c'est un entretien assez régulier. Beaucoup de contraintes je trouve, c'est pour ça que je suis aussi dans l'aspect très naturel et j'oriente plus facilement mes clientes vers le rehaussement. Le rehaussement c'est une mise en pli, c'est une permanente de cils où on va remonter le cil tout naturellement, il sera plus courbé, il va être plus ouvert avec une petite teinture là-dessus, vous n'avez plus besoin de vous maquiller pendant 1 mois et demi. Et c'est quoi la différence entre une crème de jour et une crème classique? Ça va dépendre du besoin de votre peau. Si vous avez une peau grasse, une peau sèche, il faudra orienter votre choix de crème en fonction de ça. Et ça sert à quoi la crème de nuit et qu'est-ce qui la diffère de la crème de jour? La crème de nuit, elle va fonctionner un petit peu en combiné avec un sérum qu'on va appliquer avant. Donc toujours pareil, adapté à votre peau, à vos besoins. Le sérum, vous allez l'appliquer sur la peau. Il a la particularité, lui, de s'évaporer très vite. La crème, elle va permettre de le fixer, donc ils vont marcher en symbiose. Le sérum va du coup, puisqu'il peut plus sortir, il va rentrer vers la peau. Il sera associé aux vertus de la crème de nuit. Et par contre, la différence entre la crème de nuit et la crème de jour, c'est que dans la crème de jour, vous avez un indice UV pour vous protéger du soleil qui n'est pas dans la crème de nuit. Et le sébum, l'excès de sébum, c'est pas quand on a la peau trop, grasse, c'est ça? C'est ça. Alors, on peut avoir la peau grasse partout. C'est pas forcément une peau brillante, cireuse, c'est d'autres aspects qui peuvent être déterminés par une esthéticienne. Ça va être les pores de la peau très ouverts, ça va être aussi avec des appareils de diagnostic qu'on a. Et c'est un petit défaut de vraiment de des glandes qui vont trop produire pour la peau. Donc on évite de remettre une crème riche sur les peaux grasses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les masques hydratants ? Les masques hydratants, ils vont pouvoir hydrater votre peau, donc réapporter l'hydratation dont on a besoin. Quand on a la peau qui tiraille, qui fait des petites peaux mortes, des petits squames, c'est parfois un manque d'hydratation. Et ces masques-là, ils vont être sous plusieurs formes. Ça va être des masques en monodose, on va appliquer en format papier sur le visage. Ou alors des masques crème, on va appliquer en couche épaisse, qui vont diffuser les soins durant les 10 à 20 minutes, suivant les temps de pause. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de votre entreprise. On vous laisse avec Miley Cyrus et Taylor Swift, et on se retrouvera juste après sur le 107. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. Love me. shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Stéphanie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos partenaires ? Mes partenaires, j'ai la chance d'avoir rencontré Amélie de chez Natura House, avec qui on a eu un très bon feeling. On a la même vision d'accompagnement des clientes. Natura House, c'est des spécialistes de la diététique avec sa nutritionniste Gaëlle. Et on a longuement échangé et ça nous a permis de travailler ensemble. J'ai fait une journée découverte donc justement du massage minceur chez elle. Certaines clientes ont vraiment adoré, elles se sont aussi renseignées sur internet, hein. Il y a mon rôle de conseil, il y a la curiosité personnelle. Ça a permis aux clientes de vraiment tout mettre en œuvre dans leurs objectifs de perte de poids. Et on a eu de très bons résultats ensemble parce qu'on travaille vraiment dans la même optique et vraiment main dans la main. Et le massage pour maigrir, je suppose que c'est comme le drainage, ça se fait en plusieurs séances. C'est exactement ça. Si vous voulez faire un petit soin, entre guillemets, avant et après une opération chirurgicale, ça va vous permettre, dans un premier temps, de préparer l'organisme et dans un deuxième, après l'opération, d'évacuer tout ce qui est produit anesthésique. Et donc, ça a de bonnes vertus. En cure, on conseille au minimum 10 séances à raison de 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant au début. Ensuite, une séance d'entretien mensuelle pour toujours restimuler le corps et les cellules. Est-ce que vous connaissez les produits qui sont utilisés pour les massages pour maigrir ? Alors moi, j'en utilise pas. Tout ce qui est crème minceur et tout ça, j'en conseille. Je le conseille, donc les produits Natura House, quand je travaille avec les clientes de chez eux. Libre à la cliente d'en utiliser, c'est toujours un petit plus pour elle. Moi, j'utilise simplement de l'huile de massage pour avoir les mains qui glissent sur le corps et que ce soit pas désagréable pour la cliente. J'avais vu quelque part qu'il existait une crème que l'on mettait sur les jambes quand on a de la cellulite pour que ça agisse la nuit. Mais est-ce que c'est vraiment efficace, ça, ou pas ? Ça va être efficace si c'est fait sur du long terme, avec également des manœuvres particulières. On peut aussi utiliser des petits instruments en bois ou en plastique pour casser justement ces cellules graisseuses afin qu'elles s'uniformisent. Mais comment est-ce que ça fonctionne la nuit ? Parce que la nuit, on bouge pas, c'est la peau qui s'occupe tout seul, c'est ça ? Les vertus de ces crèmes-là, c'est qu'elles vont doucement grignoter les membranes des cellules pour les fragiliser, et après il faudra quand même une bonne action mécanique. Et justement, est-ce que c'est pas dangereux pour la peau, c'est un produit comme ça ? Non, c'est vraiment, c'est étudié, c'est testé, alors non pas sur les animaux, hein, bien évidemment, mais ça fait longtemps qu'on travaille dessus pour apporter le meilleur. Ça va aussi retirer très certainement l'effet peau d'orange de la peau, puisqu'ils vont multiplier les complexes à l'intérieur pour apporter le plus grand bienfait. J'ai vu que vous proposiez des semaines spéciales, notamment en mars, on s'hydrate. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors, je me suis dit qu'avec la pré-arrivée du printemps, l'hiver un peu froid qu'on a eu, notre peau, elle avait bien souffert. Et le manque d'hydratation, c'est un des premiers problèmes qu'on rencontre chez les clientes à toute période de l'année. Et en fait de proposer des mois à thème, ça permet aussi à mes clientes de prendre soin d'elles sur différents accès et de pouvoir leur faire redécouvrir de nouvelles prestations que je peux leur proposer. Est-ce que vous avez prévu d'en faire d'autres, des semaines comme ça ou pas? Ben il y en a plein. J'ai un plan marketing pour les 45 prochaines années, honnêtement. Non, je travaille beaucoup en fonction des périodes. Le printemps, on va être vraiment dans ce qui est le renouveau. On va bientôt sortir ses pieds. On va vouloir en prendre soin, avoir des peaux de bébé. Donc bientôt, il y aura le soin Calu Spinning. En été, on mettra du vernis. Enfin voilà, c'est vraiment on surfe sur la mode du moment. Proposer le meilleur. Et le vernis, quand on va sur la plage, du coup, ça tient pas éternellement parce que du moment qu'on va dans l'eau de mer. Ah bah non, justement, celui-là, il va tenir toutes vos vacances et même un petit peu plus parce qu'il faut savoir que les ongles des pieds poussent moins vite que ceux des mains. Est-ce que vous avez des futurs projets avec Escale Beauté justement? Des nouvelles formations. J'aimerais rester dans les escapades à travers le monde, donc faire une formation pour l'épilation au sucre. Non, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors malheureusement, j'ai pas le droit de fabriquer ma propre cire. Je peux le faire pour moi, mais si je veux proposer l'épilation au sucre, il faut que je l'achète parce que c'est toutes des normes sanitaires. Je vais également tenter de me faire former sur un massage qui vraiment il est grandiose quand on voit les résultats. C'est le Kobido, c'est le liftant japonais pour le visage. Vous sortez d'une séance de Kobido, vous avez perdu ou gagné 10 à 20 ans sur les traits de votre peau. Et un projet en un petit peu plus long terme, ça va être mon fil rouge de devenir formatrice en prothésie angulaire. Ah super, c'est de beaux projets tout ça. C'est beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Vous pouvez me contacter sur mon téléphone, je vais pas dire il est allumé H24. Mais presque. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Escale Beauté, sur mon site web, également sur la page Google Escale Beauté. Vous pouvez poser des questions et je vous répondrai aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Stéphanie? Beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de belles histoires avec mes clientes. Alors cette émission est maintenant terminée. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laura. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices du RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.